Ne me regarde pas. Ne me regarde pas comme ça. Tu verrais de l'amour. Je souhaiterais du secours, voir défiler les heures et dévorer ton cœur. Reste à côté de moi. Ne me regarde pas. Mon ami, je te chante les instants froids. Je pense à toi, mon ami. Je te chante en ce moment où tu me hantes, mon ami. Tu m'adresses du réconfort et des caresses, mon ami. Je te chante au fond de moi, brûle ta voix, mon ami. Je te chante, j'ai de la chance de te connaître, mon ami. Je te chante, ta présence me fait renaître, mon ami. Je te porte dans ma voix, dans ma musique, mon ami. Je te chante et ma vie est fantastique. Mon ami, je te chante, mais pas seulement. Je te convoite, mon ami. Je te chante et doucement. Tes mains me flattent, mon ami. Mon amante, c'est maintenant que tout finit, mon ami. Je te chante, je te laisse seul dans mon lit. Ne me regarde pas comme ça, ne me regarde pas. Tu verrais de l'amour. Je souhaiterais du secours, voir défiler les heures et dévorer ton cœur. Reste à côté de moi, ne me regarde pas. Reste à côté de moi, ne me regarde pas. Mon ami, mon amante, je suis fou, je t'ai perdu. Mon amour, mon ami, m'en voulez-vous et m'en veux-tu? Mon ami, c'est fini. Mon amour, c'est terminé. De la vie que j'ai eue.